et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et battement de mains. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance.